Maintenant, il y a un mouvement sioniste. Et on a commencé à parler hébreu. Le but du sionisme est de créer pour le peuple juif un foyer en Palestine, garanti par le droit public. Les sionismes et les arabes. Discours célèbre d'Arthur Balfour, auteur de la fameuse déclaration de 1917. De toutes les difficultés, la plus grande, ou en tout cas la première, est, je crois bien, le règlement de la question arabe dans les limites de la Palestine. Il demandera du tact, du jugement, et surtout beaucoup de bonne volonté et de compréhension mutuelle de la part des Juifs et des Arabes. Pour ce qui est des Arabes, race noble, intéressante et sympathique, j'espère qu'ils se souviendront que les grandes puissances, et singulièrement la Grande-Bretagne, les ont libérés de la tyrannie de leur brutal conquérant qui depuis plusieurs siècles les maintenait sous le joug. Et j'espère que se souvenant de tout cela, ils ne s'opposeront pas à ce que ce petit coin de terre, cette petite partie de territoire arabe, soit donnée aux Juifs qui depuis des centaines d'années en sont éloignés. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 1920, les premières grandes émigrations juives avec les achats de terres afférentes s'étaient produites dans une relative quiétude, même s'il y avait de menus incidents. La situation a tendance à se dégrader après la déclaration Balfour. Et puis quand les Juifs, troisième alia à partir de 1919, entrent dans le cœur de la terre des Arabes de Palestine. Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Alors, on connaît votre histoire de Gaza. Et puis, vous aviez depuis longtemps le projet d'un livre sur les évolutions, ou diriez-vous les dérives du sionisme. Projet que votre engagement aux côtés des démocrates syriens a retardé, mais vous avez publié il y a peu un livre qui s'intitule « Main basse sur Israël » aux éditions de La Découverte, et qui considère le cas de Netanyahou, qui hérite d'une certaine tendance du sionisme des années d'entre-deux-guerres que nous allons maintenant observer. Je vous présente comme un historien de la cause syrienne, palestinienne, yéménite. Du Moyen-Orient contemporain. Mais il y a beaucoup de questions maintenant, c'est comme ça qu'on décline l'histoire du Moyen-Orient. Des questions et de moins en moins de causes. Voilà. On commence par le début du mandat, donc 1920. Les Britanniques ont offert aux Arabes et aux Juifs simultanément des moyens de parler politiquement, d'être représentés politiquement ? Eh bien non, justement. Balfour, qu'on vient d'entendre dans la déclaration fameuse qui fonde le projet sioniste en 1917, eh bien il parle des Arabes alors que trois ans plus tôt, dans cette déclaration, le mot même arabe n'est pas mentionné. On parle des communautés non-juives en Palestine et on parle de leurs droits culturels et religieux. À aucun moment on ne parle de leurs droits politiques. Donc le mandat britannique qui s'installe sur la Palestine, en effet, à partir de ce moment-là, il est fondé déjà sur un déséquilibre. Un engagement en faveur d'un foyer national juif, tandis que les droits nationaux des 90% de la population, donc des Arabes, ne sont pas pris en compte. Mais aux Arabes de Palestine, les Britanniques entendent seulement donner un chef religieux, un grand mufti qu'ils vont créer de leurs mains habiles. Oui, de toutes pièces, c'est un titre qui n'existait pas. Il est importé du Caire, où il y avait déjà un grand mufti d'Égypte. Et puis surtout, il y a la centralisation administrative des Britanniques qui font de Jérusalem une capitale, ce qui n'a jamais été le cas pendant la période ottomane. Et donc le grand mufti de Jérusalem devient le chef des petits muftis dans toute la Palestine. Et comme les Arabes, cohérents avec leur refus de la déclaration Balfour, refusent de participer aux institutions du mandat, eh bien les Britanniques, en quête de représentants, vont faire du grand mufti le représentant de ces Arabes, donc vont littéralement islamiser la question palestinienne. Oui, quand on parle de main habile, ce n'est peut-être qu'une antiphrase. On va voir en quoi le grand mufti va devenir peu à peu un problème. Il y a des causes, il y a des problèmes au Moyen-Orient. Alors que du côté sioniste, on s'intéresse à l'activité politique et la terre n'est pas considérée nécessairement comme une terre sacrée. Les commandements de Dieu ne sont pas jugés plus importants que les décisions politiques. Un jour, en 1928, on retrouve dans une synagogue, dans un kibboutz, les traces, la mosaïque d'une synagogue du VIe siècle. Ça embarrasse tous les kibboutzim. Oui, effectivement, on a ce paradoxe éclatant au début du sionisme d'un mouvement qui est fondamentalement laïque, qui réhabilite la langue du culte, l'hébreu, mais pour la sortir de la synagogue, pour en faire une langue du siècle, une langue d'un peuple revenu sur sa terre, de retour sur sa terre, mais avec un projet progressiste, voire socialiste pour beaucoup d'entre eux. Mur des Lamentations à la fin des années 1920, c'est là que vont éclater des émeutes importantes en 1929. Qu'est-ce que c'est le mur et les alentours du mur ? Donc le mur, le kotel en hébreu, c'est le lieu focal, central de la piété juive. C'est ce qui reste du temple depuis sa destruction. Mais il faut savoir que c'est aussi un mur d'enceinte de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, et qu'en fait, à la fin des années 20, c'est un espace tout à fait étroit, limité, par lequel les Juifs viennent prier, vu que juste à côté du mur, il y a ce qu'on appelle le quartier des Maghrébins, qui est une fondation aussi de droit islamique, et que l'ensemble de la ville sainte est régi par ce qu'on appelle un statu quo depuis la période ottomane, et que toute modification de ce statu quo est littéralement explosive. Alors si les uns puis les autres, dans ce dédale, entendent organiser un grand défilé de provocation en provocation, on peut en effet arriver à l'explosion. 1929, décrit par Jacob Tsour, vétéran du sionisme, au micro d'André Voisin. Il y a eu le massacre de Hébron, où les Arabes ont massacré tous les Juifs qui avaient vécu là pendant des générations, les massacres de Safed, la lutte de Jérusalem et les attaques contre les villages isolés. C'était la première attaque organisée, oui, concertée des Arabes contre les Juifs. En 29, je me trouvais à Tel Aviv et j'ai été mobilisé pour la Haganah, c'est-à-dire pour la défense de la ville. Je passais mobilisé 10 jours. Nous étions une vingtaine à garder la frontière, la limite nord de Tel Aviv. Devant nous, c'était des sables. Il y avait 2 revolvers sur toute la compagnie. Et nous autres, on avait des bâtons. Mais c'était un peu symbolique à la situation à laquelle nous étions, tout de même une poignée d'hommes contre une masse arabe et bien armée déjà en ce temps-là. Et c'est alors qu'on s'est rendu compte, d'abord, qu'on ne peut pas compter sur les Anglais, que le gouvernement ne nous protégera pas, ni le gouvernement, ni la police. Et qu'il fallait se préparer à une lutte. Avec notamment une ministre, la Haganah. Enfin, les Anglais y sont intervenus. Leurs troupes sont intervenues, venues d'Égypte ou de plus loin. Il y a eu d'ailleurs au total autant de morts d'un côté que de l'autre, que quelques 130 de chaque côté. De chaque côté, mais ce qui est très important, c'est à la fois la signification, comme le rappelle Jacob Tsour, de la fin de communautés juives à Hébron et à Safed, qui étaient installées là depuis des siècles, donc bien avant le sionisme, et surtout la perception de ces violences par les sionistes et plus généralement dans l'opinion mondiale, qui assimile tout à fait ce qui était des émeutes communautaires aux pogroms juifs de la Russie tsariste. Et donc on projette sur les Arabes les catégories de l'antisémitisme européen. Oui, mais dans le sionisme très divers, on peut dire que après cette affaire de 1929, très rude, se dessinent peut-être 3 tendances. Alors, la tendance majoritaire, on parlait de Weizmann hier, le jeune Ben-Gourion. Bon, Hébron, oui, mais il faut consolider Jérusalem, il faut construire notre solution dans notre petit coin. Voyons avec optimisme ce qui va se passer demain. Ça, c'est la tendance majoritaire. Et puis, il y a une tendance qui va s'exprimer dans un mouvement d'intellectuels et de hauts fonctionnaires de l'agence juive chargée des achats aux propriétaires arabes, qui s'appelle Brit Shalom et qui va durer quelques années autour de 1930. Effectivement. Alors la tendance Ben Gourion est très majoritaire. Et Ben Gourion, qui est secrétaire général de l'Istadrout, le syndicat du Yishuv, l'établissement juif en Palestine, en est devenu la personnalité dirigeante. Et il a une stratégie gradualiste. Chaque acquis doit être empoché, non pas en considérant qu'il est définitif, mais qu'il n'est qu'un pas vers l'étape suivante. C'est pourquoi effectivement, à chaque fois, il relativise les avancées ou les reculs. Et c'est lui qui commence d'organiser la Haganah, c'est-à-dire littéralement la défense. Vous savez, en Palestine, tout le monde se défend. Les Juifs se défendent, les Arabes se défendent, mais à la fin, les uns ou les autres finissent par s'attaquer. Mais l'étape suivante, disent les fondateurs de Brit Shalom, il faudrait quand même en borner les jalons, parce que la question la plus haute, explique quelqu'un qui s'appelle Epstein, qui va avoir un rôle dès le début du siècle et ensuite à Brit Shalom, c'est la question arabe, c'est la question la plus haute que nous ayons à surmonter. Effectivement, ce qui va distinguer Brit Shalom de la tendance très majoritaire du sionisme, c'est la prise en compte directe de cette question arabe, alors que la tendance majoritaire a tendance à l'évacuer. Alors, autour de l'université hébraïque de Jérusalem, va se constituer Brit Shalom, donc l'alliance de la foi, de la paix, excusez-moi, parce qu'elle est justement dans un milieu qui est très largement arabe, dans un environnement arabe. Elle ne peut pas, comme la majorité du Yishuv, se cantonner dans une société juive où on travaille entre juifs, où on se reçoit entre juifs. Et donc, elle se projette dans un état binational. Elle essaie de surmonter la contradiction du mandat britannique qui, de fait, aboutit depuis déjà 10 ans au développement séparé des deux communautés, en essayant d'élaborer un horizon commun. Mais ce réseau informel va s'auto-dissoudre dès 1933, la date de 1933. On y reviendra. Begin, après la guerre de 67, Begin du Likoud, consacrera un jour une conférence à l'aveu d'échec d'Epstein en 1933. Et puis il y a une troisième tendance, et je voudrais qu'on s'arrête un peu plus longuement sur elle, qui est illustrée par Jabotinsky, très cher au cœur du Premier ministre Netanyahou, une tendance qu'on appelle révisionniste. Alors, Jabotinsky, c'est un juif cultivé, poète, traducteur, polyglotte, qui a dirigé le mouvement sioniste en Russie, qui est arrivé à Jérusalem, qui s'est séparé de la majorité sioniste. Il comprend qu'il puisse y avoir un mouvement nationaliste des Arabes. Non seulement il le comprend, mais il anticipe sa montée en puissance. Et pour lui, il est inévitable que plus le sionisme réalisera ses objectifs, plus les Arabes lui résisteront de manière de plus en plus violente. Donc, il ne nie pas du tout le problème, à la différence de Ben Gourion et de la tendance majoritaire, il le prend en compte, mais la réponse qu'il fait, elle est catégorique. À partir du moment où ils nous résisteront, eh bien, nous devons progresser, établir ce qu'il appelle une muraille d'acier, avec le plus possible de juifs d'un côté et le plus possible d'arabes de l'autre côté, et repousser cette muraille d'acier de plus en plus vers l'Est, pour créer un État juif, l'État d'Israël, sur une société qui sera donc de plus en plus homogène. Un État juif qui est un État d'Europe, d'une certaine manière. Le destin des Juifs est sans doute de quitter l'Europe, parce que l'Europe leur veut du mal, mais en même temps, les Juifs sont d'Europe, et cet État va s'installer dans un Orient dont Jabotinsky a tendance à considérer qu'il est arriéré. Tout à fait. Donc là aussi, c'est une différence majeure avec les sionistes, qui ont une vision relativement romantique d'une terre d'Israël où un nouveau juif va naître, retrouvant ses racines, retrouvant son identité orientale. Pour Jabotinsky, rien de tout cela. Il faut repousser, dit-il, les frontières de l'Europe jusque vers l'Euphrate. On va entendre un document assez fort de Jabotinsky qui concerne la Transjordanie. Alors il faut que vous nous expliquiez l'enjeu qui est très actuel de nouveau, parce que les Britanniques, ils ont la Palestine, ils ont un mandat aussi sur l'Irak, et ils imaginent de créer un État, la Transjordanie, ce sera plus tard la Jordanie, ce que les sionistes n'apprécient que modérément. La tendance majoritaire l'accepte tout à fait. Pour Churchill, qui est à ce moment-là ministre aux colonies, il faut un état tampon. Et à l'époque, la Transjordanie est largement désertique et très peu peuplée. Mais pour Jabotinsky, c'est une question de principe. Il considère que on a amputé la Palestine à coloniser, la Palestine objet du sionisme, la terre d'Israël, de la grande majorité de son territoire. Écoutez ce document, Jabotinsky est de passage à Paris, il ne parle pas ici le français qu'il maîtrise comme une dizaine de langues d'Europe, il est immobile, droit, sa famille pieuse et respectueuse l'écoute avec ferveur. La plus grande partie de la terre non exploitée des Rets Israël s'appelle Transjordanie. D'un point de vue historique, ce n'est pas seulement une partie des Rets Israël. Mais comme vous le savez, c'est le commencement de son histoire. C'est ici que s'installèrent les premières tribus, avant même de traverser le Jourdain. Un autre élément historique plus récent vient s'ajouter à cela. En septembre 1918, le général Allenby ordonna au corps d'auxiliaires hébreux de prendre le contrôle de la Transjordanie, ce qu'on a appelé Oum el-Chart. Ce que nous avons fait, sans trop combattre, pour que la cavalerie britannique puisse traverser jusqu'à la Transjordanie. En remerciement, les Britanniques ne permettent aujourd'hui à aucun juif de s'installer en Transjordanie. Le peuple juif s'est illustré ces dernières années de guerre comme un peuple expert en colonisation, l'un des meilleurs que nous ayons connus dans le monde moderne. À tous ceux qui disent que nous ne sommes que des rêveurs, nous répondons: laissez-nous nous installer librement et nous vous montrerons ce que nous pouvons faire réellement. Ce que vous avez entendu, chers auditeurs, c'est pas un coup de feu, c'est le clap du film tourné à Paris. On s'est étonné, Jean-Pierre Filiu, la semaine dernière, que Bibi, Benjamin Netanyahu, ait dit « Nous avons à contrôler les deux rives du Jourdain » et que son compétiteur, Benny Gantz, s'est dit « Bah oui, bien sûr, on y a pensé avant vous ». Alors, effectivement, la continuité historique est frappante sur un siècle. Il faut voir que Jabotinsky fait référence à un événement de la Première Guerre mondiale, où il est à la tête de ce qu'on appelle la Légion juive, qui est en fait un groupe tout à fait limité, mais où il prend le contrôle de ponts sur le Jourdain, alors que, de toute façon, les Arabes, de l'autre côté, alliés aux Britanniques, ont débarrassé ce territoire des Ottomans. Mais il y a l'idée que la vallée du Jourdain est fondamentale pour la sécurité de la terre d'Israël, mais la différence entre Netanyahou aujourd'hui et Jabotinsky à l'époque, c'est que Jabotinsky proclamait la nécessité de coloniser, vous l'avez entendu, le terme de colonisation. Nous sommes des experts en colonisation. Et l'idée que la Transjordanie, donc la Jordanie actuelle, étant justement peu peuplée, elle serait plus ouverte, plus disponible à la colonisation qu'une Palestine relativement dense. Jabotinsky parle à Paris juste après la prise du pouvoir par Hitler à Berlin. Et les échéances se rapprochent, il y a urgence. Jabotinsky parle, quant à lui, d'évacuation massive des Juifs d'Europe absolument indispensable. Les chiffres, d'ailleurs, de l'Alia sont plutôt en hausse dans ces années d'après 1929. 1929, c'est le début de ce qu'on appelle la cinquième Alia. Oui, et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Hein. 1933, à peu près 30 000 immigrés juifs en Palestine, 34, 45 000, 35, 60 000. Donc là, on change complètement de dimension et cela provoque en retour des réactions très fortes de la population arabe face à cette immigration sans précédent. Les Arabes vendent moins, ou du moins ceux qui vendent sont objets de méfiance ou de représailles de la part des leaders arabes de Palestine. Et en 1936 éclatent des émeutes d'une toute autre dimension que celle de 1929 déjà citée. On a l'impression qu'il ne s'agit plus de la répétition d'incidents sporadiques, mais du début d'une longue guerre. Ce dont témoigne à la tribune des communes Philippe Noël Becker, qui exprime le point de vue du mandat britannique en cette année 1936. Ces troubles, Quand ont-ils commencé? Et qui en était l'instigateur? Ils ont commencé en 1935, au moment de l'affaire d'Abyssinie, alors que nous appliquions de faibles sanctions économiques contre Mussolini. Ils ont été organisés par le grand mufti de Jérusalem, qui depuis près de 20 ans lutte contre le mandat, et qui disait à la commission royale que les juifs seraient expulsés quand serait formé l'État arabe. L'agitation a été payée et encouragée par les forces agressives qui sont à la base de l'agitation en Europe et qui nous obligent aujourd'hui à préparer la guerre. Les Arabes de Palestine sont-ils vraiment responsables du terrorisme? Pourquoi tant d'assassins et de bandits viennent-ils en Palestine de tous les pays du Moyen-Orient? Tous les ans, Lord Lytton va en Palestine. La semaine dernière, il m'a dit que le mufti ne devait pas avoir plus d'un millier de partisans. Les Arabes tués par les Arabes sont plus nombreux que les victimes juives. Malgré la terreur, nombre de paysans arabes témoignaient leur amitié aux Juifs. Il y a 15 jours, 1500 Juifs s'installèrent dans une nouvelle colonie de Galilée. Les Arabes de la région vinrent leur souhaiter la bienvenue. Ils remerciaient Dieu de leur avoir envoyé ces Juifs, car ils n'auraient plus rien à craindre des bandes armées. Reconstitution par France Culture, 30 années après, d'un débat des communes en 1936. Tiens, où réapparaît le grand mufti de Jérusalem? Oui, et puis on entend le discours colonial classique, hein. Les populations soumises sont volontairement soumises, elles remercient même ceux qui les soumettent, et ce sont de méchants étrangers, en l'espèce les fascistes et les nazis, qui agitent les populations. Mais attendez, il y a quand même un effort de propagande pensé depuis longtemps et qui va se développer ensuite du côté de Hitler en direction du monde arabe. En 1935-36, non. D'ailleurs, c'est plutôt avec les sionistes que le régime de Berlin collabore pour justement organiser l'immigration vers la Palestine. Mais attendez, le grand mufti de Jérusalem, qu'on a vu nommé par les Britanniques, il fuit après avoir encouragé les émeutes. Alors il fuit vers le Liban français, il aura souvent de bonnes relations avec le gouvernement français, il fuit vers l'Irak et il va finir par arriver en Italie, puis en Allemagne. Tout à fait, où il va non seulement collaborer, mais s'empresser de proposer sa collaboration à Hitler. Mais deux points qui sont fondamentaux, c'est que Hitler va miser sur ce grand mufti en croyant que c'est une personnalité importante. Il va lancer ce qu'on appelle dans les milieux historiens un djihad made in Germany, qui va être un échec presque total, en tout cas total dans le monde arabe. Et en même temps, on ne peut pas réduire les événements de 36 au développement ultérieur de l'antisémitisme avéré du mufti al-Husseini. On a une grève générale qui va agiter la Palestine pendant 6 mois, qui va donc être suivie, et pas parce que des terroristes ont imposé leur mot d'ordre à la population arabe. Et après, on aura une insurrection qui va, elle, se développer pendant encore 3 ans. Donc, il a fallu effectivement 15 ans pour que se créent les conditions d'un soulèvement anticolonial en Palestine. Mais quelles que soient les dérives, et elles sont absolument condamnables du grand mufti, on ne peut pas réduire ce mouvement national en Palestine à de tels errements. C'est là que le sionisme devient une tragédie, parce que 1938, conférence d'Évian, la plupart des pays, en tout cas tous les grands pays dits démocratiques, refusent l'afflux massif de réfugiés juifs d'Allemagne. La nuit de cristal, ensuite, le début de la Deuxième Guerre, Jabotinsky qui dit « il faut une évacuation massive », se voit validé dans ses choix. Juste encore un mot de ce courant, puisqu'il a un héritage très puissant aujourd'hui. Jabotinsky meurt à la tâche, en recrutant des volontaires aux États-Unis pour le combat aux côtés des alliés. Oui, là encore, Jabotinsky a été visionnaire. Hein, visionnaire donc dans la réalité, la profondeur, la légitimité du nationalisme arabe qu'il entend combattre de manière implacable, et visionnaire dans la nécessité d'évacuer les Juifs d'Europe face à une catastrophe qui lui paraît inéluctable. D'où cet engagement aux côtés des alliés qui va provoquer dans son courant de très sérieux troubles, vu que on s'était mobilisé contre les mêmes Britanniques en Palestine. C'est ce qu'on appelle l'Irgun, c'est-à-dire en hébreu l'organisation. Et donc il y aura une scission entre l'Irgun qui va suivre les directives de Jabotinsky et donc collaborer avec les alliés, et un groupe qu'on appellera le groupe Stern ou le groupe Lehi, où on retrouvera Shamir, le futur Premier ministre d'Israël. Le lien avec aujourd'hui le père de Netanyahou va succéder aux États-Unis à Jabotinsky, qui meurt à 60 ans, donc en 1940. Hommage tout récent, c'était il y a quelques mois, de Netanyahou à Jabotinsky. Je m'opposerai avec beaucoup de force à ce que les Palestiniens appellent le droit au retour. Je m'acharnerai, comme Jabotinsky s'est acharné, à la victoire finale du sionisme. Mes chers amis, Jabotinsky a investi des efforts énormes pour renforcer l'État d'Israël. Et il est tombé à l'âge de 60 ans sans avoir pu voir la création de l'État d'Israël. Nous ressentons une fierté de savoir que l'enseignement de Jabotinsky est toujours vivant, vivace, et qu'il se concrétise dans notre État aujourd'hui, et que l'État d'Israël atteint des sommets nouveaux, et que l'enseignement de Jabotinsky est une forme de boussole pour notre peuple et qu'il le restera pour l'éternité. Jean-Pierre Filliou. C'est effectivement la victoire historique du courant de Jabotinsky, qui est aujourd'hui incarnée par Netanyahou, qui met en jeu aujourd'hui, après 10 ans d'affilée au pouvoir, son poste de Premier ministre. Des trois courants que vous évoquiez, le courant pacifiste, binational, a disparu dans les années 30 du fait de la montée aux extrêmes des deux communautés. Le courant majoritaire de Ben Gourion, celui des pères fondateurs, eh bien aujourd'hui il est battu en brèche en Israël, et on voit une forme de victoire posthume de Jabotinsky. Il faut savoir que Ben Gourion avait, tant qu'il était Premier ministre, empêcher que Jabotinsky soit enterré à Jérusalem sur le mont Herzl, le mont des pères fondateurs, et que c'est une des premières décisions qui a été prise après qu'il ait quitté le pouvoir. Et aujourd'hui, on voit, par la voix de Netanyahou et par l'évolution de la scène israélienne, comment effectivement Jabotinsky a pris cette revanche posthume. Merci à vous, Jean-Pierre Filliou. Un livre où vous développez cette hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, Main basse sur Israël, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis je rappelle aussi votre histoire de Gaza. Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco avec le concours de Marion Philippe, Paul Percheron à la technique et la réalisation. C'était Audrey Ripouille.